Une période heureuse succéda au drame. Mais notre bonheur était un château de sable. Désormais, les habitants de la ville de J évitent Marthe et refusent de lui parler. Les marins, un ancien conseiller municipal qui veut se faire réélire, et son épouse, logeant au-dessous de chez Marthe, rassemblent en fin de journée tout ce que la commune comptait de gens comme il faut, pour leur faire entendre Marthe et son amant dans leurs ébats amoureux. Mais, avertis de ce projet, le narrateur et Marthe gardent le silence. Vers 7 heures, les coupes se retirèrent, bredouilles, traitant tout bas les marins d'imposteurs et le pauvre monsieur marin, âgé de 70 ans, d'arriviste.